أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Donc la louange est à Dieu, le Seigneur des grandes, que l'honneur et l'élévation de degré le plus complet, le plus parfait soit accordé à notre maître Mohammed, صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète alayhi salatu wa salam a dit man yurid Allah bi khayran yufaqqihu fi din, c'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc la science de la religion permet de connaître ce que Dieu a ordonné et ce qu'il a interdit. Donc remercier Dieu, c'est bien sûr accomplir les devoirs et éviter les interdits. C'est ça, remercier Dieu. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de nous, il n'a besoin de rien. Donc, il convient que la personne se prépare pour l'au-delà en accomplissant les devoirs et en évitant les interdits. Donc, elle sème dans cette vie pour récolter dans l'au-delà. Donc, le sujet donc du cours aujourd'hui, c'était donc sur justement le fait que c'est Dieu justement qui facilite à la personne qui obéit. Et c'est Dieu qui donc ne facilite pas le bien à la personne qui a désobéi. Donc il y a une parole, le prophète alayhi salatu wassalam et un compagnon devant lui, il a dit « La hawla wa la quwwata illa billah » c'est-à-dire il n'est de force et de préservation que par Dieu. Le prophète alayhi salatu wassalam il a dit « Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ?» Donc Abdullah ibn Mas'ud il a dit « Allah wa rasuluhu a'lam » c'est-à-dire Allah et son messager, Allah sait plus que tout autre et son messager il sait. Donc lui expliquait « La hawla wa la quwwata illa billah » c'est-à-dire, il a dit, il n'est de force pour l'obéissance à Allah que par la hawla wa la quwwata illa billah, c'est-à-dire, il n'est de préservation contre la désobéissance à Dieu que par la préservation de Dieu. C'est Dieu qui préserve des péchés. Il n'est de force pour obéir à Dieu qu'avec l'aide de Dieu. Donc, c'est Dieu qui facilite, en fait, le fait d'être obéissant et c'est Dieu qui préserve des péchés. Donc c'est Dieu qui donne la force pour obéir et c'est Dieu qui égare en fait. At-tawfiq, on dit en arabe tawfiq, c'est tawfiq, ça veut dire créer la force dans pour l'obéissance. Donc Allah, on dit wafaqahu, c'est-à-dire il lui a créé la force pour l'obéissance. Donc c'est Dieu qui guide et qui égare. Donc on va voir les réponses à des questions que pourraient poser des gens qui pourraient poser des gens à ce sujet-là. Donc, bien sûr, Dieu, il dit dans le Coran, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. C'est-à-dire, Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Donc, on ne dit pas Dieu pourquoi. Donc, il égare des gens et c'est lui qui leur fait rendre des comptes. Donc, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Il n'y a pas quelque chose qui arrive malgré Dieu. Donc, selon la raison, déjà, c'est impossible que quelque chose arrive malgré Dieu. Parce que s'il arrivait quelque chose sans qu'il l'ait voulu, il serait impuissant. Celui qui est impuissant, il ne peut pas être Dieu. C'est la preuve selon la raison. Donc c'est Dieu qui guide et égare. Donc il y a une règle à retenir, c'est que Dieu n'est pas obligé d'accorder à la personne ce qui est le mieux pour elle. Dieu, donc une règle chez les sunnites, Dieu n'est pas obligé d'accorder à l'esclave, à la personne, ce qui est le mieux pour elle. Ça, c'est une règle à retenir. Parce qu'il y a une secte qui s'appelle Mu'tazila, et ils disent que Dieu est obligé d'accorder, donc Dieu, il n'a personne qui lui ordonne, qui lui interdit, bien évidemment. Donc Dieu n'est pas obligé d'accorder à la personne ce qui est le mieux pour elle. N'est-ce pas? Dieu dit dans le Coran, وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Dieu a voulu, nous apprend qu'il a voulu qu'il y ait des humains et des djinns qui rentrent en enfer. Donc c'est sûr, c'est pas le mieux pour la personne d'aller en enfer, c'est clair. Mais Dieu a voulu qu'il y ait des gens qui vont en enfer. C'est-à-dire Dieu n'est pas obligé d'accorder à la personne ce qui est le mieux pour elle. C'est pour ça qu'on remercie Dieu d'être musulman. Donc c'est Dieu qui guide et égare. Bien sûr, l'injustice est impossible s'agissant de Dieu. On va voir les ayats, il approuve selon la raison. Donc il y a plusieurs ayats qui nient l'injustice s'agissant de Dieu et des hadiths aussi. Donc Allah dit dans le Coran « وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّابٍ الْعَبِيدِ » C'est-à-dire, certes, Dieu n'est pas injuste envers les créatures, envers les esclaves. Et puis, dernière ayat qui a été révélée au prophète, dernière ayat qui a été révélée au prophète, c'est وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ C'est-à-dire, craignez un jour, vous allez rendre des comptes à Dieu, et chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle a acquis, ils ne subiront pas d'injustice. Ils ne subiront pas d'injustice. L'injustice est impossible s'agissant de Dieu. Donc après, selon la raison, il faut voir c'est quoi la définition de l'injustice, justement. Donc vous voyez, c'est précis. Il faut voir c'est quoi la définition de l'injustice. Les savants ont expliqué de deux manières, de deux définitions différentes l'injustice. L'injustice, première explication, c'est agir en ce qui appartient à autrui sans sa permission. Agir en ce qui appartient à autrui sans sa permission. Ça, c'est la première définition. Et si on regarde cette définition, bien sûr, ça ne s'applique pas à Dieu, parce que tout appartient à Dieu. Nous, ce qu'on possède, notre pensée, notre volonté, nos sentiments, tout appartient à Dieu. Cet univers, tout appartient à Dieu. Donc, la première définition de l'injustice ne s'applique pas à Dieu, qui est agir en ce qui appartient à autrui sans sa permission. Donc, Dieu, tout lui appartient. Donc, ça ne peut pas s'appliquer à Dieu, cette définition. Deuxième explication, c'est de l'injustice, c'est contredire l'ordre et l'interdiction de celui qui a le droit d'ordonner et d'interdire. Contredire l'ordre et l'interdiction de celui qui a le droit d'ordonner et d'interdire. Donc c'est la deuxième explication. Là aussi, cette définition ne s'applique pas à Dieu. Donc cette définition ne s'applique pas à Dieu. Parce que Dieu, il n'a personne qui lui ordonne, qui lui interdit. Il n'a personne qui lui ordonne et interdit. Donc on voit bien, selon la raison, l'injustice ne s'applique pas à Dieu. Donc il y a les preuves du Coran. On citera aussi un hadith, aussi très connu. Et il y a les preuves selon la raison. Donc la définition de l'injustice ne s'applique pas à Dieu. Donc c'est impossible, l'injustice s'agissant de Dieu. S'agissant de Dieu, c'est impossible. Tout lui appartient. Donc, l'injustice ne s'applique pas à Dieu. Donc, tout appartient à Dieu, il fait ce qu'il veut, ce qui lui appartient. Dans un hadith, on va citer la partie du hadith où le prophète il dit, alayhi salatu wassalam, si Dieu châtiait tous les gens déçus de la terre, il les aurait châtiés, il ne serait pas injuste envers eux. Donc tout appartient à Dieu, c'est lui qui guide, c'est lui qui égare. Donc qu'est-ce qu'on a dit jusqu'ici? On a dit, c'est Dieu qui facilite pour faire le bien, et c'est Dieu qui égare. Et on a dit, Dieu n'est pas obligé d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux pour lui. Il y a des bébés qui meurent dans des guerres, famines, etc. Ils n'ont pas fait de péché. Donc Dieu fait ce qu'il veut, tout lui appartient. Bien sûr, celui qui s'oppose à Dieu, il est mécréant. Donc personne ne peut nuire à Dieu. Donc selon la raison aussi, selon la raison, le fait que la puissance de Dieu englobe le bien et le mal, les choses opposées, le doux, l'amer, le repos, la fatigue, etc., la joie, la tristesse, le fait que la puissance de Dieu englobe tout cela, c'est un signe de la parfaite puissance de Dieu. C'est un signe de la parfaite puissance de Dieu. Donc le fait que la puissance de Dieu englobe le bien et le mal, c'est un signe de la parfaite puissance de Dieu. Parce que le bien et le mal, ils existent, on les voit. L'Église, Satan, le mal, le bien, la mécréance, la foi existent. Donc si la puissance de Dieu était ne concernait que le bien, il aurait eu besoin de qui l'aurait spécifié d'être concerné par le bien au lieu du mal. Donc, il aurait besoin de qui? Il aurait spécifié celui qui a besoin de qui le spécifie, c'est une créature. Et comme on a dit tout à l'heure, s'il arrivait quelque chose autre que ce que Dieu a voulu, il serait impuissant, et celui qui est impuissant ne peut pas être Dieu. Donc, on citera aussi une histoire là-dessus, qui montre, une histoire réelle, en fait, qui montre, le fait que Dieu n'est pas vaincu, en fait, et que, enfin, qui montre plutôt la stupidité de ceux qui croient que Dieu a créé que le bien. Parce qu'il y a une secte, parmi les sectes que le prophète nous a mis en garde, il y a Mu'tazila qui dit cela. Donc, sauf que Dieu récompense le bien, il récompense pas, récompense pas le mal. Il agrée le bien, il n'agrée pas le mal. Donc, les savants, ils disent, La tataharraku dharratun illa bi'idhnih. C'est-à-dire, il n'y a pas un grain de poussière qui bouge sans la volonté de Dieu. Il n'y a pas un grain de poussière qui bouge sans la volonté de Dieu. Ils disent aussi, La haraka wa la sukun illa bimashi'atillah takun. C'est-à-dire, il n'y a pas un mouvement ni une immobilité si ce n'est par la volonté de Dieu. Il n'y a pas un mouvement ni une immobilité si ce n'est par la volonté de Dieu. Donc, c'est impossible que quelque chose arrive malgré Dieu. Donc, de toute façon, ça revient à la base. Dieu a créé, donc, les corps et les caractéristiques. Les corps, les pierres, les plantes, les humains, les corps impalpables, l'air, l'obscurité, la lumière, et les caractéristiques, le goût, l'odeur, la pensée, le sentiment, etc. Donc, Dieu est le créateur de toutes choses. Et il n'a pas de compte à rendre. Donc on a dit, Dieu n'est pas obligé de faire ce qui est le mieux pour la personne. Donc, on n'a pas le droit de dire pourquoi Dieu a égaré des gens et c'est Dieu qui leur fait rendre des comptes. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, tout lui appartient. Dieu fait ce qu'il veut, tout lui appartient. Il n'a pas de compte à rendre. Donc aussi, quelques preuves, enfin des exemples. Par exemple, si quelqu'un il sort sa main, il donne une aumône à un pauvre, et un autre il sort sa main, il va voler. Il n'y a pas de différence du point de vue création que ça c'est un acte créé par Dieu, et ça c'est un acte créé par Dieu. n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Ça, c'est créé par Dieu, ça, c'est créé par Dieu. C'est une créature, ça a un mouvement. Il a eu dans son cœur la volonté de donner au monde. Il a fait l'acte. L'autre, il a eu l'envie de voler, il a fait l'acte. L'envie de donner le monde, c'est une créature de Dieu. L'envie de voler, c'est une créature de Dieu. La différence, elle est où? Elle est dans le jugement de l'acte. Mais il n'y a pas de différence entre la création de l'acte. Selon la loi de Dieu, ça c'est bien, et selon la loi de Dieu, ça c'est pas bien. Tout simplement. Donc ça veut dire que Dieu a créé le bien et le mal, il n'y a pas de différence. Dans le point de vue de création. Mais Dieu agrée le bien, il n'agrée pas le mal. Ça c'est bien et ça c'est mal, selon la loi de Dieu. Dieu a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl. Il allait faire l'ordre de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien. Parce que c'est Dieu qui a ordonné. Et si quelqu'un il va égorger son fils, ben c'est un grand péché. Donc la différence réside dans le fait que ça c'est Dieu l'a permis, Dieu l'a ordonné, ça c'est Dieu l'a interdit, tout simplement. Mais du point de vue de création, tout s'est créé par Dieu. Il n'y a pas de différence. Ça c'est un acte, ça c'est un acte. Si quelqu'un, par exemple, il prend un couteau, il égorge un mouton avec les bonnes règles de l'islam, et quelqu'un, il prend un marteau, il va le tuer, il va l'assommer. Dans les deux cas, donc, il n'y a pas de différence dans l'acte du point de vue création. Il l'a tué. Sauf que là, c'est permis par la loi de Dieu, et ça, c'est interdit. Donc ça, c'est récompensé, enfin, si, avec la bonne intention, etc. Par exemple, s'il fait égorger le mouton pour la fête de l'Aïd. Et ça, c'est interdit. Mais, dans point de vue de création, ça, c'est créé par Dieu, ça, c'est créé par Dieu. Donc, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a créé. Maintenant, on va citer une histoire qui montre, donc, l'histoire qui est arrivée entre deux mécréants. Il y en a, il est mécréant, ceux qui adorent le feu, il y en a, il est mécréant, mais il se dit musulman. Il fait partie de la secte qui s'appelle Mu'tazila, qui croit que, il y a des choses qui arrivent sans Dieu. Donc, alors, ils étaient dans un bateau, celui qui suit une secte, il croyait qu'il est musulman, il est parti voir l'autre qui adore le feu, le Majous, Mazdéen, on dit. Il lui a dit, rentre en islam. Il a dit, rentre en islam. L'autre, il a dit, Dieu n'a pas voulu pour moi. Donc, un vrai musulman, d'abord, je donne quand même la bonne réponse d'un vrai musulman. S'il y avait un vrai musulman, il aurait dit, c'est vrai, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, faire attention, si quelqu'un, tu conseilles quelqu'un, il boit de l'alcool, il te dit, bon, c'est Dieu qui a voulu, il se peut qu'il te dise ça. Mais t'as pas le droit de dire non, parce que c'est vrai que c'est Dieu qui a voulu. Même si lui, il fait le péché, sa phrase, elle est vraie. Donc, si il te dit Dieu a voulu, tu dis, oui, tout est par la volonté de Dieu. Maintenant, toi, tu sais pas ce que Dieu a voulu pour toi dans l'instant qui arrive. Tu sais pas l'avenir. Donc, moi, je te conseille, tu dis, moi, je fais la cause, mais c'est sûr, n'aura Dieu que ce que Dieu a voulu. Mais moi, je te conseille. Le prophète, il est parti voir son oncle, parce que le prophète, il sait pas l'avenir, et il a dit les deux témoignages, il a répété, il a insisté. Il a dit, même dans mon oreille, parce qu'il a vu, il était orgueilleux devant les gens, il a dit les deux témoignages, même dans mon oreille. Donc, il n'a pas voulu, il est mort non musulman. Donc nous, on ne connaît pas l'avenir, on fait les causes. Donc un musulman, il aurait dit comme ça, il aurait dit, bon, c'est vrai, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est sûr. Maintenant, moi, je fais la cause de te conseiller de devenir musulman. Donc c'est comme ça qu'il aurait dit. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je répète rapidement, parce que c'est une histoire, donc il faut bien comprendre. Donc on a dit, il y avait deux qui n'étaient pas musulmans, un qui adore le feu, et un, et, en fait, il se dit musulman, mais il n'est pas musulman. Parce qu'il croit que, il croit qu'il y a Dieu un associé. Parce que croire que il y a autre que Dieu qui a voulu quelque chose malgré Dieu, c'est attribué à Dieu un associé. Alors qu'on a dit, on répète, il lui a dit, rentre en islam. Alors que lui, il est même pas musulman, il dit à l'autre, rentre en islam. En tout cas, et l'autre, il lui a dit, Dieu n'a pas voulu pour moi. Donc je répète, on a dit la bonne réponse d'un bon musulman, il aurait dit, bah, c'est sûr, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais toi, tu sais pas l'avenir. Moi, je te conseille, en espérant le bien pour toi. Mais n'aura lieu que ce que Dieu a voulu. Lui, il lui a dit quoi? Donc, j'ai insisté pour expliquer comment la bonne réponse, pour que la personne comprend la stupidité de ce qu'il a dit, cette personne lui a dit, si, Dieu a voulu, mais le shaitan, il t'a empêché. Alors, lui, il a compris quoi? Il a compris que cet homme-là, il dit que Dieu a voulu quelque chose, il y a quelqu'un qui l'a vaincu. Et ça, c'est de la méfiance, c'est stupide. Et c'est ce qu'il lui a dit, effectivement. Celui qui adore le feu, il lui a dit, bah, moi, je vais rester avec le vainqueur. C'est ça, sa réponse, en fait. Directement, il lui a dit ça. Moi, j'explique sa réponse. Il a dit, je vais rester avec le vainqueur. Ça veut dire, t'es en train de me dire que Dieu a voulu quelque chose et Satan, il a vaincu Dieu. Donc, moi, je vais rester avec celui qui a vaincu. Donc vous voyez que ça mène cette croyance-là de qu'il y a une fausse croyance en fait. Alors que Dieu dit dans le Coran, Wallahu ghalibun ala amri, c'est-à-dire personne ne peut empêcher la réalisation de la volonté de Dieu. Et selon la raison, c'est impossible que quelque chose arrive malgré Dieu. C'est impossible quelqu'un qui veut, personne ne peut vaincre Dieu. C'est absurde. Donc on voit que sa réponse elle est stupide et c'est ce qu'il a compris. C'est cette stupidité qu'il a compris, celui qui adore le feu, et il lui a répété. En fait, sa réponse veut dire ça. Et l'autre, il s'est tu, parce qu'il a une fausse croyance, donc il n'a pas de réponse. Donc la bonne réponse serait de dire, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Toi, tu sais pas l'avenir. Et moi, je te conseille, en espérant que Dieu te guide, en fait. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Donc je l'ai répété pour bien comprendre les choses. Donc c'est une histoire qui s'est passée, et puis comme on a dit, qui montre l'égarement de cette secte-là, qui dit qu'il y a quelque chose qui arrive malgré Dieu. Et même les savants, ils ont dit, ces gens-là, ils ont fait... en fait, ils insinuent que ils ont fait que Dieu est comme quelqu'un, comme l'exemple qui dit, j'ai fait rentrer quelqu'un de ma maison, il m'a fait sortir de ma maison. Parce qu'ils ont dit, Dieu a donné la puissance aux humains et les humains sont devenus, c'est-à-dire, Dieu est devenu impuissant. C'est ce qu'ils ont dit, en fait. Donc, alors que la croyance de vérité, c'est que tout ce qui arrive, tout instant, est créé par Dieu, tout simplement. Tout instant est créé par Dieu. C'est-à-dire, notre volonté, nos sentiments sont créés par Dieu. C'est-à-dire, on dit bien que l'être humain, il a une volonté. Mais c'est une créature de Dieu. D'accord? On dit bien que l'être humain, il a une volonté. Et puis, c'est dit dans le Coran. Allah dit dans le Coran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, vous ne voulez que ce que Dieu veut, le Seigneur des mondes. Vous avez une volonté. La volonté, c'est quoi? La volonté, tout simplement, c'est un sentiment dans le cœur. Je veux faire ça, je veux partir au cours, je veux aller faire des courses, je veux faire ça, je veux lever ma main. C'est un sentiment dans le cœur, je veux faire ça. Ce sentiment est créé par Dieu, tout simplement. C'est aussi simple que ça, en fait. Tes idées sont créées par Dieu. Il se peut que quelqu'un il est handicapé, il a envie de marcher, mais il marche pas. C'est-à-dire, la volonté, c'est une chose, et l'acte lui-même, c'est une autre chose, en fait. Quelqu'un, il a envie de voler, mais il vole pas. Donc, Dieu crée la volonté et l'acte. En fait, les deux. D'accord ? Tout ça, c'est des créatures de Dieu, tout simplement. Donc, on nie pas les créatures de Dieu, en fait. Par exemple, dire nier l'existence du monde, c'est une mécréance. Donc, nier la volonté de l'être humain aussi, c'est une mécréance. Dire que l'être humain, parce qu'il y a une autre secte aussi, parce que le prophète, il a dit, ma communauté va se diviser en 73 groupes, tous en enfer, sauf une. Comment, on dit pas secte dans l'islam, on dit des groupes. Parce que dans les 73, il y en a 72 qui sont une secte, et un groupe qui est sur la bonne voie, qui est la majorité, c'est les sunnites. Sunnites, c'est ceux qui suivent la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on voit que ces groupes-là, il y en a comme ceux qu'on a cités, il y en a d'autres comme ceux qui, à l'opposé des Mu'tazila, qui disent non, l'être humain c'est comme une plume, il n'a pas de volonté. Donc, alors les sunnites c'est le juste milieu. C'est pas le Mu'tazila qui disent que l'être humain il a une volonté indépendamment de la volonté de Dieu, et ça c'est de la mécréance. Parce que rien n'échappe à la volonté de Dieu. Et c'est pas ceux qui disent que l'être humain n'a pas de volonté. Donc, nier cela, c'est de la mécréance aussi, parce que Dieu confirme que l'être humain, il a une volonté, et la réalité, on voit bien que l'être humain, il a une volonté. Donc, c'est-à-dire, il n'est pas permis de nier les créatures de Dieu. D'accord ? Par exemple, dans le Coran, il citait Sourat al-Jinn, ça parle des djinns. Si quelqu'un dit les djinns n'existent pas, c'est de la mécréance. Parce que le Coran confirme qu'il existe ces créatures-là. Donc, l'être humain, il a une volonté, c'est une créature, comme il a des yeux, il a la vue, il a l'ouïe, il a la volonté, d'accord ? Mais elle est créée par Dieu. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'on lui a posé la question, lui ont dit pourquoi on agit, c'est, tout est prédestiné, pourquoi on agit ? Qu'est-ce que leur a dit ? Il leur a dit, agissez, chacun, il va agir selon ce que Dieu lui a prédestiné. Chacun, Dieu lui a prédestiné, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Même le prophète, il dit dans un hadith très connu, où il parle que, dans le même hadith très connu, où il parle que l'être humain, il est créé dans son ventre 40 jours, il goûte du liquide de l'homme et de la femme, après 40 jours, un caillou de sang, après 40 jours, un bout de chair. Après 120 jours en tout, ça fait l'ange il ramène l'âme. C'est pour ça que c'est interdit d'avorter, parce que 120 jours, parce qu'il y a l'âme. Et après cela, dans la suite, il dit, l'un de vous, il agit. Donc, il se peut que l'un de vous, il agit avec les actes des gens du paradis. Et vers la fin de sa vie, il change, il agit avec les gens, l'acte des gens de l'enfer, et il rentre en enfer. C'est que des gens, ils pratiquaient, et puis un jour, il insultait Dieu, et comme il a mécréance, il s'égare. Il meurt mécréant. Et il a dit aussi, il se peut que l'un de vous agit avec les actes des gens de l'enfer, et vers la fin de sa vie, il change, il agit avec les actes des gens du paradis, il rentre au paradis. Comme il y a beaucoup d'histoires où des gens ils sont convertis vers la fin de leur vie. À l'époque du prophète, il y avait des gens, ils sont convertis juste avant de mourir. Des histoires, donc beaucoup d'histoires ainsi. Quand il est parti voir un non-musulman qui était sur l'île de la mort, il a dit de se convertir, et il s'est converti, il est mort musulman, et le prophète il a dit, la louange à Dieu qui l'a sauvé de l'enfer par ma cause. Un autre, dans la bataille, il a dit, est-ce que je combats ou je deviens musulman? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, deviens musulman, il est devenu musulman, il a combattu, il est mort musulman. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, il a œuvré peu, il a gagné beaucoup. Bien sûr, il n'a pas dit, attends, on va te circoncire, il faut l'imam, ou non, devenir musulman, c'est simple, il faut prononcer les deux témoignages. On y croyant. C'est pas une condition, on n'a pas le droit de retarder quelqu'un qui veut devenir musulman. C'est pas une condition d'être devant l'imam, de se laver, ou de se toucher, ou etc., de parler l'arabe dans n'importe quelle langue. On prononce les deux témoignages, même s'il est tout seul, on y croyant, il devient musulman. Donc, comme on a dit, tout est prédestiné par Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre, on a dit. On ne dit pas, Dieu, pourquoi tu as garé des gens et tu leur rends des comptes. Dieu n'est pas obligé, on a dit, d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux pour lui. D'accord ? Ça, il fait ce qu'il veut. Tout lui appartient. Et l'injustice ne s'applique pas à Dieu, on a dit selon le Coran, on a cité des versets, on a cité la preuve sur la raison. On a expliqué déjà que c'est quoi l'injustice, sa définition. On a donné deux définitions qu'ont donné les grands savants de l'injustice, et on a vu que ça s'applique pas. Donc, à Dieu. Donc chaque chose elle a une définition, on ne peut pas inventer une définition comme ça. Les gens ils parlent selon les passions, ils inventent des définitions comme ça. Donc on a vu la définition de l'injustice et on a vu que ça ne s'applique pas à Dieu. Donc l'injustice c'est impossible s'agissant de Dieu. Car tout lui appartient, il n'a personne qui lui ordonne, qui lui interdit. D'accord ? Donc il fait ce qu'il veut, il guide qui veut, il garde qui veut. Et tout ce qui arrive c'est Dieu qui l'a voulu, c'est impossible que quelque chose arrive malgré Dieu. Parce que s'il arrivait, on a dit quelque chose malgré lui, il serait faible. Celui qui est faible, il peut pas être Dieu. Celui qui est faible, donc il peut pas être Dieu. Donc, est-ce que c'est clair? C'est clair. Est-ce qu'il y a une précision? On répète une chose. Puis il y a plusieurs, donc, versets, hadiths là-dessus, bien évidemment. Tout ça, donc c'est l'explication en fait, vous voyez, c'est l'explication de base sur le hadith de la foi très connu que à la fin, et que tu crois que Dieu a prédestiné le bien et le mal. Et que tu crois que Dieu a prédestiné le bien et le mal, ça c'est la base. Donc on peut rajouter aussi là-dessus que tout ce qu'on a expliqué là, c'est important de le connaître. C'est important de le connaître. Par contre, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a montré que on peut pas connaître, il s'est interdit de chercher à connaître le secret de la prédestination. Ça, tu veux pas le savoir. Ça, tu veux pas le savoir. Secret de la prédestination, tu veux pas. Mais tout ce qui arrive, etc., combien mal, mouvement, immobilité, foi, mécréance, c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu récompense le bien, ne récompense pas le mal, ordonne le bien, interdit le mal. Et ça, tu dois savoir. Que le bien, c'est selon la loi de Dieu qui est bien. Et le mal, c'est selon la loi de Dieu. C'est pas selon la personnalité, la personne ou sa pensée, non. On a vu Dieu a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils. C'est-à-dire, il allait faire l'ordre de Dieu. Ça veut dire qu'il allait faire quelque chose de bien. Et si quelqu'un il le fait, maintenant, c'est interdit parce que Dieu l'a interdit. Mais c'est Dieu qui a créé toute chose, d'accord ? Donc la différence est dans le jugement de l'acte. Jugement selon la loi de Dieu. C'est pas selon X ou Y. Donc par contre, le secret, tu veux pas savoir. D'accord ? Le secret, par exemple, tu veux pas savoir pourquoi tu existes maintenant, pas t'aurais pu exister en 1800, t'aurais pu exister à l'époque du prophète. Pharaon, il est pas musulman, sa femme, elle est musulmane. Selon la raison, ça aurait pu être l'inverse. Il aurait pu être un bon musulman. Mais pourquoi Dieu a voulu que lui soit pas musulman, ça, tu veux pas le savoir. Pourquoi Hamza, il est devenu musulman et pas l'autre oncle du prophète, ça, tu veux pas savoir. Ça, tu veux pas savoir. Il y a des choses que tu veux pas savoir, déjà. On a vu... Enfin, dans les cours, vous avez vu, sûrement, sur la ayah, « Yas'alounaka anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. » C'est dit dans le Coran, il te demande au sujet de l'âme, dit, seul Allah connaît les détails concernant l'âme, il vous a eu de science que peu. Donc, il y a des choses que tu ne veux pas savoir. Le soleil, il aurait pu se lever de l'autre côté. Il aurait pu avoir 3 soleils, 4 soleils. Il n'aurait pu avoir pas de soleil, pas de lune. Ça, tu ne veux pas le savoir. D'accord ? Les êtres humains, ils auraient pu être plus grands, ils auraient pu voler, etc. Ça, le secret de la prédestination, tu ne peux pas le savoir. Mais, si c'est arrivé, c'est que Dieu l'a voulu, personne ne peut vaincre la volonté de Dieu, personne ne peut empêcher la volonté de Dieu, il fait ce qu'il veut, tout lui appartient, ça, tu dois savoir. D'accord ? Tout appartient à Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui guide et égare. Donc on ne dit pas à Dieu pourquoi tu as égaré des gens, c'est toi qui leur fais rendre des comptes. C'est Dieu qui a égaré des gens, c'est Dieu qui les châtie. C'est Dieu qui a guidé des gens, c'est Dieu qui les récompense. Mais il fait ce qu'il veut, tout lui appartient. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc ça revient à la base, hein. C'est pour ça que c'est important de maîtriser la base. C'est quoi les créatures? On a dit, Dieu a créé l'univers en deux sortes. Les corps et les caractéristiques des corps. Si on a compris la base, le reste il est facile. Les corps, c'est les corps palpables, comme les pierres, les plantes, les humains. C'est ce qui a une localisation propre, ou les corps impalpables, la lumière, l'obscurité, les âmes, les anges. Et les caractéristiques, le goût, l'odeur, la pensée, le mouvement, l'immobilité. Donc il n'y a que ça comme sorte de créature. Donc tout ce qu'on voit, ça rentre dans ça. Le bien, le mal, etc., ça rentre dans ça. Donc, c'est facile. Vous voyez, c'est facile en fait. Donc tout est créé par Dieu en fait. Donc la volonté fait partie des sentiments, des caractéristiques. La connaissance, ça fait partie des caractéristiques. Donc tout est créé par Dieu et tout est sous sa volonté. Il fait ce qu'il veut, n'a pas de compte à rendre. C'est pour ça qu'un musulman, il remercie Dieu d'être musulman. On demande à Dieu de ne pas égarer nous égarer après nous avoir guidés. Donc on a fait ce cours-là en fait. Parce que aussi c'est discours du vendredi, c'était sur la nuit de Qadr, Laylat al-Qadr, parce qu'on est dans les dernières nuits de Ramadan. C'est le prophète alayhi salam, il faisait beaucoup d'ardeur dans ces 10 dernières nuits de Ramadan, 10 derniers jours on va dire, par le fait de se retirer à la mosquée, ce qu'on appelle l'i'tikaf, de faire beaucoup d'adoration la nuit. Et même il a dit de chercher Laylat al-Qadr dans ces 10 dernières nuits. Laylat al-Qadr, c'est dans le Coran, Allah dit dans le Coran, Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr wa ma adraka ma Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr khayrun min alf shahr. Meilleur que 1000 mois. Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr, c'est-à-dire le Coran était descendu sur la nuit de l'Qadr. Donc de toute façon, Ramadan, c'est le meilleur mois, et ce mois-là, Dieu la spécifier par des choses. La Torah authentique a été révélée dans le hadith le 6 de Ramadan, a été descendu. L'évangile authentique le 13 de Ramadan. Et il a dit le prophète, Al-Qur'an a été redescendu le 24 de Ramadan. C'est-à-dire cette nuit-là, c'était la nuit du 24, Laylat al-Qadr, qui est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire les actes dans cette nuit-là, plus que les actes de 1000 mois, comme récompense. Ça veut dire, c'est pas tout le temps, ce hadith nous montre que c'est pas forcément le 27. Les musulmans, ils ont l'habitude de faire le 27, nous aussi, dans la salle de prière, on fait, donc on commémore la nuit du 27. Par habitude, mais c'est pas forcément, ça tombe la nuit du 27. Mais souvent, c'est dans les dernières nuits. Et c'est une détermination de la nuit de l'Qadr qui est la meilleure des nuits pour que les gens, fassent les efforts toutes les nuits, en espérant coïncider avec cette nuit-là. Donc il y a des signes qui font qu'on a vu cette nuit, comme voir une lumière autre que celle du soleil, de la lune, de l'électricité, lumière donc générale, donc immense, et aussi voir les arbres en prosternation, voir les anges, entendre leur voix. On peut voir ça à l'état d'éveil, ce qui est le plus fort, ou à l'état de sommeil. Celui qui voit, il fait des doigts, c'est un signe qu'ils seront exaucés. Quand on dit exaucé, bien sûr, ça ne veut pas dire que ça change la volonté de Dieu, parce que Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Ça veut dire que Dieu a prédestiné que celui-là, ce jour-là, il va voir qu'il va faire telle invocation et qu'il aura ça. Ou il se peut, celui-là, Dieu lui a voulu qu'il voit, et puis tellement il est subjugué qu'il oublie de faire des invocations. Chacun ce que Dieu lui a prédestiné. Mais quand on voit et qu'on fait les doigts, c'est un signe pour nous que c'est exaucé. Donc, pour la nuit, ça a été descendu, tout le Coran, de la table préservée jusqu'au ciel du bas monde, pendant cette nuit. Maintenant, sur le prophète, ça a été descendu pendant, environ 23 ans, selon les circonstances et les événements. Et Dieu donne à connaître aux anges dans cette nuit-là tout ce qui va avoir lieu jusqu'à la nuit prochaine, pendant une année. Donc c'est ça le rapport avec la prédestination qu'on a cité. Donc, Dieu a donné aux connaître aux anges, un tel va mourir, un tel va être président, un tel va naître, un tel va se marier, etc. Un tel aura telle épreuve, jusqu'à la nuit de l'Qadr de l'année prochaine, dans Ramadan. Donc, il n'y a que Dieu qui sait les choses cachées. Donc, les anges, ils savent ce que Dieu leur a donné à connaître. Donc, voilà concernant la nuit de l'Qadr qui est la meilleure nuit. Et donc, les anges descendent. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا. Les anges et الروح, c'est Jibril. Ici, ça désigne Jibril, Jibril qui est le président des anges. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, c'est, voilà, concernant la nuit de l'Qadr. Allah Ta'ala dit salam hiya hatta matla'il fajr, c'est-à-dire à l'épée et sérénité jusqu'à la levée de l'aube. Et ils ont dit, les savants, parmi les signes de que cette nuit-là, c'était la Laylatul Qadr, c'est que le matin, le soleil, quand il se lève, il a une lumière douce. Quand il se lève, il a une lumière douce. Donc, voilà donc pour la nuit de Al-Qadr, qui est donc ça peut être n'importe quelle nuit de Ramadan, mais le plus souvent c'est les 10 dernières nuits. Donc il convient que la personne, de toute façon, se prépare pour le jour dernier par les œuvres de bien. La mort ne prévient pas. Donc cette nuit, il a dit même dans le hadith rapporté de l'imam Ahmad que la vraie Torah a été révélée au prophète Moussa, qui était descendu en fait, descendu le 6 de Ramadan, et l'évangile authentique était descendu donc le 13, et le Coran, on a dit le 24. Donc c'est tombé le 24 cette nuit-là. Tombé donc le 24. Donc là, donc bien sûr, les livres révélés contiennent l'islam, bien évidemment. Les vrais, c'est pour ça qu'on a dit les vrais, parce que les autres, maintenant, c'est falsifié. Tous les prophètes, c'est des musulmans. Tous, ils ont enseigné cette croyance-là. Donc vous voyez, la croyance de vérité, elle est conforme à la raison. Alors, donc, quelle est la preuve qu'on a dit? Donc, question. Pour voir si on a bien suivi. Donc, quelle est la preuve que c'est impossible, quelque chose... Donc, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Alors, donnez-moi la preuve. Alors, on vous écoute. Tu peux répéter? Non, mais j'ai rien dit, mais répète... Donne-nous une phrase complète là. C'est bien, d'accord, c'est très bien. Donc un hadith, c'est vrai, qui signifie ce que Dieu veut est, ce qu'il ne veut pas n'est pas. Donc ça, c'est la preuve selon les textes. Maintenant, elle voulait donner une preuve selon la raison. On écoute la sœur. C'est une créature. Répète. C'est une créature. Et donc, pour que ça soit comme ça, ou son contraire. Il faut obligatoirement que quelqu'un, qu'un être... Au début, tu étais parti sur une chose... Non, je ne peux pas répéter la question. Donc, en fait, ta phrase, il manquait quoi? Il manquait, si quelque chose arrivait malgré Dieu, il serait faible. Celui qui est faible ne peut pas être Dieu. C'est ce qui manquait, tout simplement. Donc, tu as dit la bonne réponse, mais tu n'as pas répété la phrase. Donc... voilà, tout simplement. C'est important de retenir, parce que il y a des gens, ils savent pas ces choses-là. Donc, il y a des gens, donc ils connaissent pas. Bon, d'ailleurs, j'ai fait le cours le vendredi sur ça, parce qu'il y avait quelqu'un, il a plus de 50 ans, il vient d'un pays arabe, et j'ai dû lui expliquer pendant une heure ce sujet-là, il connaissait pas. Et il avait du mal à comprendre. Donc, j'ai expliqué, voilà, les textes. Après, j'ai cité l'histoire En fait, j'expliquais les textes du Coran, mais il avait du mal. Il est parti trop dans la philosophie. Il vient d'un pays arabe, hein, de Moyen-Orient. Donc, j'ai expliqué les versets du Coran. Il y en a plein qui disent si Dieu voulait, qui nous explique que si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. Hein, que Saïdna Moussa, il est cité, que Saïdna Moussa, il est venu, il a trouvé les gens qui adorent le veau. C'est dit clairement, c'est une preuve de ta part au Dieu par laquelle tu égares qui tu veux, tu guides qui tu veux. Donc il avait du mal, parce que quand les gens ils partent loin dans l'égarement, pour les faire revenir, il faut du temps. Après, j'ai cité une histoire. J'ai dit, regarde, j'ai cité cette histoire pour finir, et là, ça l'a choqué. C'était une histoire que je vous ai citée. Ça choque, parce que il a vu on voit la stupidité de cette croyance. C'est ce qu'il a, il est mécréant, mais il a compris une stupidité. Il a dit, tu veux dire que celui-là, il a vaincu Dieu, en fait. Donc, je vais rester avec le vainqueur. Et là, il s'est bloqué, il a commencé à réfléchir, je dis, regarde, selon la raison, il m'a dit, oui, il me fait des preuves sur la raison. C'est selon la raison, tout simplement, si quelque chose arrive, malgré Dieu, il serait faible. Celui qui fait ne peut pas être Dieu. Donc, juste avec ça, et bon, il a compris. Pourtant, j'ai cité des versets, etc. Et pourtant, il se dit musulman, il va à la mosquée, etc. Donc, vous voyez, donc, il a plus de 50 ans. Donc, c'était cette semaine, en plus. Donc, pour vous dire, c'est-à-dire des choses... Ce qu'on dit, on met en garde, c'est des choses vraies, en fait, concrètes. Parce que c'est vrai que, comme j'ai expliqué la dernière fois, c'est très rare l'enseignement islamique de base, vraiment. Alors que c'est facile, vous voyez, ça ne prend pas des heures. Hein. Mais les gens, voilà, même dans les pays musulmans, la télé, les séries, la politique, la base de l'islam, ils ne connaissent pas. Les politiques portables de voitures, ils connaissent par cœur. Des heures, ils parlent. Ah oui, ceci, droite, gauche, avant, arrière. Avant-centre, alors là. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai cité, parce que c'est des choses concrètes, quand on fréquente les gens, on voit vraiment le niveau qu'ils ont vraiment très très bas sur les bases de la religion. Pourtant, ils vont jamais, et ça veut rien dire, en fait. Donc, la preuve, ça y est, c'est clair. Si on vous demande la preuve, vous voyez, elle est simple. S'il arrivait quelque chose malgré lui, il serait faible. Il serait impuissant. Donc c'est impossible sur la raison. Quelque chose arrive malgré Dieu. Vous voyez, c'est très facile. Selon le Coran, il y en a beaucoup. D'accord? Beaucoup de versets, etc. Parce que les gens, ils arrivent à un certain niveau, tu cites le Coran, ils sont là. Ils comprennent pas. Mais, ils suivent quelqu'un parce que voilà, ils passent à la télé, dans des chaînes, etc. Ils vont l'écouter plus qu'un verset du Coran. Alors qu'un seul verset, normalement, c'est suffi. Donc, est-ce que c'est clair? Vous voyez, la base de la religion, c'est le Coran et le Hadith. La raison, c'est un témoin qui montre que l'islam est la seule vraie religion et que tout ce qui est dans le Coran et le Hadith ne contredit pas la raison. Donc c'est clair, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a dit aussi? J'ai dit une phrase à retenir au début. Comment? Ah ouais, je cherche un petit indice, c'est ça. Je cherche justement. Alors j'ai dit une phrase concernant si quelqu'un te dit comment Dieu a voulu que des gens vont en enfer. Donc il y a une phrase qu'ont dit les savants. Donc il y a cette phrase que je cherche, je demande, et expliquez-moi pourquoi l'injustice ne s'applique pas à Dieu. Parce que Dieu, tout lui appartient, toutes les créatures lui appartiennent. Voilà. Et ben, explique-moi. Alors, il faut expliquer. Il faut dire, vu que ça, ça signifie ça, ça, et donc, il ne peut pas s'appliquer. Parce que l'injustice, c'est le fait de s'approprier ou d'utiliser le bien d'autrui, quelque chose qui ne nous appartient pas. Ou la deuxième définition, c'est... Oui, mais il y a une brèche. C'est pas précis. Il reste. Je peux que j'utilise à quelque chose, il m'a donné, ça ne m'appartient pas. Non, mais c'est l'autorisation. Alors, Youssef, on t'écoute alors. Allez. Agir avec ce qui appartient à autrui sans son consentement. Voilà. Les sœurs, maintenant les frères. Alors, répète, Youssef, donc la première, explique-nous un peu plus. Donc, pourquoi l'injustice ne peut pas s'appliquer à Dieu? Selon la raison, selon le Coran, il y a plusieurs. Donc, essayez de retenir les versets. Je ne demande pas maintenant, mais essayez de retenir les versets quand même. Donc, alors, donc avec méthodologie, c'est bien méthodologie. Parce que quand tu parles à quelqu'un, il faut aller. Les gens, voilà, ils croient que ça, lui, c'est un docteur. Et puis, messieurs, explique. Voilà, définition d'abord. C'est quoi l'injustice déjà? Il faut savoir l'explication du mot dont, avec lequel on la définition du mot qu'on utilise. Donc il y a deux définitions selon les savants. Voilà, voilà. Donc agir avec donc celle que j'ai donnée, donc agir avec ce qui appartient à autrui sans son consentement, voilà. Contredire l'ordre de celui qui a le droit d'ordonner. Voilà, c'est la deuxième définition. Voilà. Donc on voit par cela que comme tout appartient à Dieu. Donc, dans la première définition, on peut dire que ça ne peut pas s'appliquer à Dieu parce que tout lui appartient. C'est logique. Nous, ce qu'on appartient, tout est créé par Dieu. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu, tout lui appartient. Et ensuite, c'est lui qui a le droit d'ordonner et d'interdire. Donc il n'y a personne qui lui ordonne, qui interdit. D'accord ? Donc l'injustice ne s'applique pas à Dieu. Maintenant, la phrase, bon. La première question aussi, je disais, c'était moi une phrase que j'ai dit concernant le fait que quelqu'un il dit, comment je pourrais donner un indice, c'est quelqu'un il dit, voilà, le pauvre il souffre en enfer, c'est pas bien pour lui, il souffre en enfer. C'est quoi la réponse à donner? C'est inversé. On écoute Abou Bakr. On n'apporte pas forcément à la créature ce qui est mieux pour elle, ce qui est le mieux pour elle. Donc, plus fort que ça. Pas forcément, oui. Ah, Dieu n'est pas obligé d'apporter voilà. à la créature ce qui est le mieux pour elle. Exactement. Dieu n'est pas obligé d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux pour lui. Ça, c'est important à retenir. C'est vrai, le mieux pour les humains, c'est d'être au paradis tous, non? Oui. Mais Dieu n'est pas obligé d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux pour lui, en fait. C'est pour ça. En fait, le plus grand bienfait que Dieu t'accorde, c'est d'être musulman. C'est le meilleur que le bon monde ce qu'il contient. Parce que Dieu n'est pas obligé d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux pour lui. Mais Dieu, il a la sagesse absolue, bien sûr. On dit que Dieu châtie par sa justice, il récompense par sa grâce. D'accord? Vous voyez, il ne faut pas mélanger les choses. Hein. Quand on dit Dieu n'est pas obligé d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux pour lui, ça ne veut pas dire qu'on attribue à Dieu la non-sagesse, bien évidemment, parce que Dieu fait ce qu'il veut. N'est-ce pas qu'il y a des bébés, ils n'ont pas fait de péché, ils meurent dans la guerre, famine, ils meurent après naître. Ils n'ont pas fait de péché. La bête, quand tu l'égorges, elle souffre, elle n'a pas fait de péché. Mais Dieu a permis cela. Donc vous voyez, c'est important de comprendre les bases. Si t'as pas compris les bases, tu peux tomber sur des gens qui vont te perturber. Mais si t'as les bases, donc personne ne peut te perturber. Avec ça, personne. Parce que la vérité, elle est toujours au-dessus. D'accord? Donc Dieu n'est pas obligé d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux pour lui. Ça, c'est unanime chez les sunnites. Parce qu'il y en a, parmi les sectes, c'est qu'ils ont... Il y a des sectes, ils ont dévié sur un point, sur deux, sur un... Parmi les mu'tazilas, là, ils ont dévié sur ce point-là. Je dis, ah bon, comment ça Dieu a voulu et comment ça Dieu a voulu pour un tel il souffre. Dieu fait ce qu'il veut. Donc il y a plusieurs exemples, pour plusieurs détails, pour donc on a retenu des points importants.